venez sous ces feuillages, venez petits oiseaux, venez petits oiseaux, par vos charmants ramages, et veillez les échos. Venez petits oiseaux, venez sous ces feuillages, par vos charmants ramages, et vivez les échos, et vivez les échos. Venez petits oiseaux, par vos charmants ramages, et vivez les échos, et vivez les échos. Prenez le et brave Philomèle répondit à ses chants, répondit à ses chants, que prenez des nouvelles, ces douloureux accents. Et brave Philomèle répondit à ses chants, répondit à tes chants. Venez sous ces feuillages, venez petits oiseaux, venez petits oiseaux, par vos chatons d'orage, et venez les échos, et venez les échos. Venez sous ces feuillages, venez petits oiseaux, venez sous ces feuillages, par vos chatons d'orage,